un établissement dont la devise est de tout enseigner, peut-on imaginer meilleure école pour découvrir l'importance du dialogue, de la confrontation des idées, de la diversité des points de vue? Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Face à la violence, aux préjugés, au fanatisme qui malheureusement ne semble pas en voie de disparition, l'esprit de recherche n'apparaît-il pas comme l'un des espoirs du genre humain? Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Qu'est-ce donc que la santé publique, s'interroge le professeur Arnaud Fontané. Comment est née l'épidémiologie moderne? Quelles approches nouvelles ont pu inaugurer les grandes études sur le tabagisme et le tabagisme passif et celles sur les risques cardiovasculaires? Quels sont les niveaux de preuve et de causalité en épidémiologie? Quels sont les apports concrets de cette discipline à la santé humaine? Devons-nous encore avoir peur des pandémies? Professeur au Conservatoire national des arts et métiers et à l'Institut Pasteur, Arnaud Fontané est titulaire de la chaire annuelle Santé publique au Collège de France, nouvelle chaire créée en partenariat avec l'Agence nationale Santé publique France. Il est l'un des spécialistes les plus renommés de l'épidémiologie des maladies émergentes. Dans sa leçon inaugurale, il interroge les apports et les limites de l'épidémiologie moderne. Il rappelle, et je le cite, que la microbiologie a permis d'identifier les agents responsables des maladies infectieuses, à chaque infection son microbe, alors que les recherches butent sur les causes plurifactorielles des maladies non transmissibles. Ces fléaux des temps modernes que sont l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral et cancer. Certes, explique encore Arnaud Fontané, la physiologie expérimentale et la biologie permettent de comprendre les mécanismes associés au développement des affections cardiovasculaires et des cancers, mais la part de ces maladies qui revient à nos gènes, nos comportements ou nos expositions environnementales reste une énigme. C'est pour répondre à ces questions qu'une nouvelle discipline va naître, l'épidémiologie, comme il va nous l'expliquer aujourd'hui. Cela posé, cette discipline commence-t-elle à s'essouffler ? Quels sont aujourd'hui les enjeux du développement des big data, ces données qui se déclinent jusqu'à l'absurde, mais ouvrant bien des perspectives à condition de garder un esprit critique? Qu'est-ce qui relève aujourd'hui de notre génome? Tambour battant, le professeur Fontané nous fait parcourir un siècle de grandes enquêtes épidémiologiques en nous exposant les enjeux méthodologiques. Il nous entraîne aux quatre coins du monde face à des virus qui parcourent la Terre, les Zika, les SRAS. Il nous présente les fumeurs anglais, les cohortes d'infirmières qui ont accepté de répondre à des questionnaires sur leur comportement dans la vie courante, sur plusieurs décennies. Ici on enquête, là on identifie des traîtres biais, ici on évalue les risques, là on élabore des mesures. On se heurte aussi à ce qui échappe, les enjeux environnementaux complexes, mais aussi la question des inégalités sociales. Médecin passionné, comment Arnaud Fontané a-t-il basculé dans l'univers de la santé publique ? Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 31 janvier 2019 pour la leçon inaugurale d'Arnaud Fontané intitulée « L'épidémiologie ou la science de l'estimation du risque en santé publique ». C'est le professeur Philippe Sansonetti, titulaire de la chaire « Microbiologie et maladies infectieuses » qui est à l'origine de la création de cette nouvelle chaire avec Alain Fischer, qui présente le riche parcours entre action et réflexion entre laboratoire et terrain du professeur Fontané. C'est un honneur et un plaisir de vous présenter le professeur Arnaud Fontané pour sa leçon inaugurale. Il est le premier titulaire de la nouvelle chaire annuelle de santé publique au Collège de France. Arnaud Fontané est d'emblée apparu pouvoir porter à la chaire annuelle de santé publique excellence et multidisciplinarité. Pasteurien, spécialiste internationalement reconnu des maladies infectieuses émergentes, il rejoint ici notre illustre prédécesseur Charles Nicolle, titulaire de la chaire de médecine expérimentale de 1932 à 1936, théoricien de l'émergence. « Il y aura toujours de nouvelles maladies infectieuses, c'est un fait fatal », écrivait-il dans « Le destin des maladies infectieuses ». Arnaud Fontané est docteur en médecine de l'Université René Descartes et docteur en santé publique de la Harvard School of Public Health, professeur au Conservatoire national des arts et métiers et à l'Institut Pasteur, où il dirige l'unité d'épidémiologie des infections émergentes, qui est un modèle de multidisciplinarité. Il aurait pu poursuivre une carrière confortable de rhumatologue parisien, s'il n'avait eu l'idée saugrenue, au cours de son internat, de rejoindre pour 2 ans les équipes de Médecins sans frontières et Médecins du monde, opérant en Thaïlande, dans des camps de réfugiés khmers et birmans. Il y attrapa le virus de la santé publique et il n'en a jamais guéri. Son activité s'est initialement déployée sur le sida en Éthiopie, puis sur l'hépatite C, domaine dont il est devenu un expert internationalement reconnu, grâce à ses travaux sur l'endémie qui continue à sévir en Égypte, où elle touche des millions d'habitants. Plus récemment, Arnaud Fontanet et ses collaborateurs ont développé des travaux pionniers sur les pathogènes émergents comme le virus Zika. En 2016, ils ont publié 2 articles rapportant, lors de l'épidémie de Polynésie, l'association entre infection Zika et syndrome de Guillain-Barré, et entre infection Zika et microcéphalie. Ces travaux, marqués par la réactivité et la qualité méthodologique, ont permis de démontrer l'existence de ces 2 complications majeures avant que n'apparaisse la grande épidémie qui a balayé le Brésil. Ils ont contribué à placer la France en tête de la recherche épidémiologique dans cette maladie. Arnaud Fontanet est responsable du Centre de santé globale de l'Institut Pasteur, en appui de nombreux projets sur l'émergence se développant en particulier dans le réseau international des Instituts Pasteur. Il enseigne aussi, a créé et co-dirige l'école Pasteur CNAM de santé publique, dans le cadre de laquelle il dirige le master de sciences de santé publique, et je puis témoigner du succès professionnel des étudiants qui y sont formés. Enfin, comme il s'ennuie un peu, il dirige le cours épidémie globale alerte-réponse à Sciences Po. Ceci dit, ce n'est pas uniquement l'homme d'action que reconnaît l'attribution de cette chaire, c'est aussi l'homme de réflexion sur l'épistémologie, l'avenir, les forces et les faiblesses de sa discipline, sur la santé publique, autant des big data. Arnaud, nous t'écoutons. L'épidémiologie ou la science de l'estimation du risque en santé publique. Monsieur l'administrateur, mes chers collègues et confrères, chers amis, chères familles, mesdames et messieurs, merci Philippe pour tes mots élogieux. Merci surtout pour avoir eu l'initiative de cette chaire si importante pour la santé publique que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui. Merci aussi à Santé publique France et à son directeur, François Bourdillon, pour le soutien apporté à cette chaire. La médecine est un art merveilleux. N'y a-t-il pas de plus beau métier que celui de guérir, de soigner ? Jeune médecin, j'en étais convaincu. Vers la fin de mon internat, j'ai choisi de vivre une expérience différente de celle des hôpitaux parisiens et je suis parti avec Médecins sans frontières travailler dans les camps de réfugiés à la frontière Thaïlande-Cambodge. J'ai pu y constater l'efficacité remarquable de la quinine dans le traitement du paludisme et des antibiotiques dans le traitement des infections respiratoires et gastro-intestinales. Mais alors que je traitais ces enfants, je ne pouvais pas m'empêcher de penser, n'aurions-nous pas pu, avec une meilleure organisation des soins, avec des vaccins, avec des moustiquaires, leur éviter de tomber malade. Et je basculais dans le monde de la santé publique. Je continue à penser aujourd'hui que la médecine est un métier merveilleux et j'encourage les plus jeunes qui ont la passion de guérir, la passion de soigner, de s'y engager. Maintenant, pour ceux qui veulent se placer en amont de la maladie, pour ceux qui veulent comprendre les déterminants de la santé, pour ceux qui veulent agir pour préserver la santé publique offre de très belles possibilités. Je mettrai un bémol cependant, l'exercice de la santé publique est un métier ingrat. Un malade guéri vous remerciera de l'avoir soigné. Une personne bien portante ne vous remerciera jamais de lui avoir évité la maladie. Il y a eu plusieurs professeurs qui, au Collège de France, ont traité de santé publique. Je citerai d'abord Jean-Noël Allais, qui était le médecin des pauvres pendant la Révolution, médecin de Napoléon, qui a enseigné l'hygiène médicale au Collège de France et qui s'est battu pour l'introduction du vaccin contre la variole. Il y a eu aussi, comme le rappelait Philippe, Hyacinthe Vincent, qui, au début du XXe siècle, a travaillé pour la mise au point d'un vaccin contre la fièvre typhoïde pour les troupes françaises. La santé publique n'a jamais été très loin des cours de Philippe Sansonetti. Je citerai le colloque que tu as organisé sur les vaccins du futur. Et puis je vous invite à réécouter les très belles leçons inaugurales de Dominique Kerouédan et Peter Piot sur la chaire Savoir contre pauvreté, sur la gouvernance mondiale en matière de santé globale. La définition de la santé publique est difficile. Je vais prendre celle de Charles Edward Winslow en 1920, qui l'a définie comme la science et l'art de prévenir la maladie, prolonger la vie et promouvoir la santé humaine, à travers les efforts organisés et informés de la société, des organisations publiques privées, des communautés et des individus. La santé publique est par nature multidisciplinaire. Je vais aujourd'hui vous parler d'épidémiologie. Vous êtes tous au courant des méfaits du tabac, de l'alcool, de l'alimentation trop riche en sucre ou en gras. Vous connaissez l'importance du dépistage de l'hypertension artérielle, de certains cancers, de maladies infectieuses. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ces recommandations sont issues d'études épidémiologiques qui ont suivi plusieurs centaines de milliers d'individus pendant des dizaines d'années. L'épidémiologie est la science qui étudie la répartition et les déterminants des événements de santé dans la population. Elle est résolument orientée vers l'action, les résultats des études visant à contrôler les maladies. L'épidémiologie est de fait au cœur de nos débats de société. Vous ne pouvez pas aujourd'hui lire la presse écrite, regarder un journal télévisé, sans entendre parler de glyphosate, perturbateurs endocriniens, particules fines, salmonelle, Ebola. Mon objectif au cours de cette leçon inaugurale est de vous familiariser avec les grands enjeux d'épidémiologie et également de vous donner les clés pour mieux comprendre les résultats des études épidémiologiques. La démarche scientifique en épidémiologie s'appuie sur l'estimation du risque, d'où le titre de ma leçon inaugurale. Elle permet de répondre à deux questions très simples. Quel est le risque d'être ou de devenir malade dans une population donnée? C'est l'épidémiologie descriptive, la surveillance des maladies appuyée par la modélisation. Quelle est l'augmentation du risque qui est associée à certaines caractéristiques, nos gènes, nos comportements, notre environnement? C'est l'épidémiologie analytique, l'étude des déterminants des maladies. On va débuter avec l'épidémiologie descriptive, axée sur la surveillance des maladies en population. Il n'y a pas un cours d'épidémiologie qui ne parle pas de Jon Snow. Jon Snow est notre figure emblématique. Rien pourtant ne le destinait à l'épidémiologie. Il était médecin anesthésiste, il avait introduit l'éther et chloroforme en Grande-Bretagne, il en avait administré à la reine Victoria pour la naissance du petit Léopold, mais voilà, il avait d'autres intérêts, et notamment le choléra. En 1849, il écrit un livre dans lequel il émet l'hypothèse que le choléra serait transmis par des petits poisons animaux qui circulent dans l'eau, à une période où tout le monde pensait que c'était des miasmes dans l'air. Il eut l'occasion de tester sa théorie en 1854, lors d'une épidémie de choléra à Soho, à Londres, où il est allé faire un vrai travail de terrain. Il est rentré dans les maisons, il a compté les malades, les personnes qui n'avaient pas été affectées. Il a pu calculer ce qu'on appelle des taux d'attaque, la proportion de personnes affectées par maison, par quartier. Et il a pu déduire que c'était une compagnie d'eau qui était responsable de l'épidémie, qui était restreinte à certains quartiers desservis par cette compagnie, qui puisait ses eaux près des égouts dans la Tamise. Après, il est intervenu. Il a retiré le bras de la pompe que vous voyez ici pour arrêter la diffusion de l'épidémie et les cas de choléra ont décru. Alors les plus pointilleux vous diront qu'en fait, la décroissance avait débuté avant même qu'il intervienne, mais ne retirons rien à notre héros. Si Jon Snow est pour nous si important, c'est qu'il avait une hypothèse, il a fait un travail de terrain minutieux et il est intervenu. Bref, ce qu'on veut faire en épidémiologie. La même année, en 1854, Pacini en Italie découvrait Vibrio cholera, ce petit poison animal que suspectait Jon Snow. Mais cette découverte est restée un peu inaperçue. Il a fallu que Robert Koch, lors de l'épidémie de choléra en Égypte en 1883, redécouvre Vibrio cholera et l'associe à la maladie pour que le lien entre les deux soit définitivement fait. Alors, qui sont les Jon Snow d'aujourd'hui? Bien, vous les trouverez dans les agences de sécurité sanitaire qui ont la charge de la surveillance de la santé des populations humaines et animales et également de l'évaluation du risque. Il s'agit par exemple de Santé publique France avec les cellules interrégionales d'épidémiologie. Il s'agit de l'ANSES, notamment pour la surveillance de la santé animale, de l'ANSM pour le médicament, beaucoup d'autres agences. Elles s'appuient sur des réseaux de cliniciens, de vétérinaires, de laboratoires, des registres. Et leur rôle est d'une part de détecter des signaux, par exemple des cas regroupés d'infections respiratoires qui signalent le démarrage d'une épidémie, ou de mesurer le fardeau des maladies, le burden of disease des anglo-saxons. Ce fardeau des maladies permet d'adapter nos moyens de prise en charge des patients et d'estimer l'impact des mesures de prévention et des mesures curatives. Je vous invite à la lecture du rapport intitulé « L'état de santé de la population en France » publié en 2017, qui vous donne un état des lieux sur comment vont les Français. Ce rapport est un rapport de suivi des 100 objectifs de la loi de 2004 relative à la politique de santé publique en France et je tiens à saluer ici le travail de William Dabb, professeur du CNAM, qui a beaucoup contribué à l'élaboration de cette loi de santé publique alors qu'il était directeur général de la santé. Ce travail est essentiel, il nous donne un tableau de bord qui permet de voir l'impact des politiques menées, les zones fragiles où on doit prioriser nos actions. Les nouvelles y sont plutôt bonnes, si l'on regarde les tendances sur le long terme. Je sais qu'en France, on n'aime pas dire que les choses vont bien, mais si vous regardez l'état de santé de la population française, bien sûr, il y a des choses tout à fait perfectibles, mais si je prends un indicateur synthétique comme l'espérance de vie, l'espérance de vie des femmes est de 85 ans, c'est le peloton de tête mondial, juste derrière l'Espagne en Europe. Chez les hommes, c'est de 79 ans. Pour vous donner une idée, plus de la moitié des décès sont dus aux maladies cardiovasculaires et aux cancers, à peu près à part égale. Si je prends les maladies cardiovasculaires, et notamment les cardiopathies ischémiques, syndrome coronarien aigu et infarctus du myocarde, la baisse de la mortalité par cardiopathie ischémique en France entre 2000 et 2013 a été de 40%. C'est considérable. On est au premier rang européen. Par rapport au cancer, la mortalité tout cancer est en légère baisse. Sur les 40 dernières années, de 1,5% par an en moyenne pour les hommes, 1% par an en moyenne pour les femmes. Mais une analyse pour les cancers doit être faite cancer par cancer pour être plus pertinente, et j'y reviendrai. Pour vous illustrer ce que peut apporter la surveillance des maladies infectieuses, je vais prendre l'exemple de la rougeole. Vous avez ici les données de déclaration obligatoire de la rougeole en France sur les 10 dernières années, recueillies par Santé publique France. Vous y voyez l'épidémie de 2011, et vous voyez également que l'année 2018 n'a pas été bonne. L'incidence de la rougeole est maximale chez les moins de 1 an, qui n'ont pas encore été vaccinés, mais les formes les plus sévères se retrouvent chez ceux qui sont un peu plus âgés. Il est désolant qu'on ait encore à déplorer plus de 1650 pneumopathies graves et 23 décès sur les 10 dernières années, alors que l'on dispose d'un vaccin sûr et efficace. Effectivement, la couverture vaccinale à 2 ans n'est que de 80%. Pour un virus aussi contagieux que celui de la rougeole, il devrait être de 95%. Alors, vous connaissez tous la polémique, je ne vais pas y revenir, mais ce qui est important, et c'est ce que nous apporte la surveillance, c'est qu'au moment où circulent beaucoup d'informations fantaisistes, il est essentiel de disposer de données fiables pour voir quel est le coût humain d'une vaccination incomplète en population, et c'est ce que nous apporte cette surveillance. Si nous regardons les taux de mortalité par cancer en France de 1950 à 2010, on a la possibilité de voir un peu quelles sont les grandes tendances. Ce qui est important ici, c'est qu'on parle de taux de mortalité, donc on prend en compte l'accroissement démographique. Ces taux sont standardisés sur l'âge, c'est-à-dire qu'ils sont calculés à distribution d'âge constante et prennent donc en compte le vieillissement démographique. Et on parle de taux de mortalité, c'est-à-dire que les progrès vont venir soit d'une diminution du nombre de cas, soit d'une amélioration des prises en charge des patients, et donc taux de guérison plus important, ou une association des deux. Si vous regardez chez les hommes, les principales baisses observées, elles sont plutôt dues à des actions de prévention. Je regarde ici le cancer du poumon, et la baisse que vous voyez ici est due à la diminution de la consommation tabagique. Si vous prenez le cancer bouche, pharynx, larynx et œsophage, vous voyez que depuis le milieu des années 70, la mortalité est en baisse. Ça, c'est la diminution de l'alcool et un petit peu du tabac. Et puis vous avez ici le cancer de l'estomac, qui était très important en 1950 et qui est en train de diminuer considérablement. La cause, c'est une bactérie, Helicobacter pylori, et c'est l'amélioration des conditions d'hygiène, de l'alimentation et le traitement antibiotique des ulcères qui a permis cette diminution du cancer de l'estomac. Un point de vigilance cependant chez les femmes, la hausse des cancers du poumon, car la consommation tabagique n'est toujours pas maîtrisée chez les femmes. Elle n'est pas plus chez les hommes, mais elle est en baisse. Je corrige. Alors, il est des situations où les données n'existent pas encore, notamment quand il s'agit de prédire le devenir d'une épidémie en cours. Or, c'est le moment où les pouvoirs publics veulent savoir, mais cette épidémie, où est-ce qu'elle va nous amener? Et c'est là où intervient la modélisation mathématique. Je vais vous prendre comme exemple la maladie de la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob au Royaume-Uni. Vous vous souvenez, dans les années 80, premier cas d'encéphalopathie spongiforme, bovine, maladie de la vache folle au Royaume-Uni. 10 ans plus tard, premier cas humain. En l'an 2000, une prédiction par l'Imperial College, un des très bons groupes de modélisation mathématique, qui laissait entendre qu'il pourrait y avoir entre 70 et 136 000 cas de variant de maladie Creutzfeldt-Jakob d'ici 2020 au Royaume-Uni, publié dans la revue Nature, donc une revue qui a une très grande autorité. Alors cette fourchette est très large, et elle était due à des incertitudes sur la durée d'incubation de la maladie. Alain-Jacques Valeron, que citait Philippe Sansonetti, et son équipe à l'INSERM, ont repris ces données en partant d'une constatation. Ils ont vu que l'âge de déclaration moyen des patients atteints de maladie de Creutzfeldt-Jakob était de 28 ans. Ça laissait entendre deux hypothèses. Soit les plus jeunes sont susceptibles, soit chez les plus âgés, la durée d'incubation est plus longue. Pour explorer ces hypothèses, il a comparé la date de début des variantes de maladie Creutzfeldt-Jakob par catégorie d'âge. Il ne voit aucune différence. Ça élimine la deuxième hypothèse. On sait donc que seuls les plus jeunes sont susceptibles. Utilisant cette donnée dans son modèle, il peut estimer la durée moyenne d'incubation à 16,7 ans. Et il peut faire un modèle qui, vous le voyez, va très bien coller aux données observées. À terme, il avait prédit qu'il y aurait 205 cas de variantes de maladie de Creutzfeldt-Jakob. Il y en a eu 177. Autre exemple de l'utilité de la modélisation, c'est pour guider les interventions. On retourne au Royaume-Uni, à nouveau chez les bovins, mais cette fois-ci c'est la fièvre aphteuse, donc qui est une maladie animale, et qui était une crise majeure au début des années 2000 au Royaume-Uni. 3 scénarios possibles pour le gouvernement britannique. Soit vous abattez les élevages touchés, mais vous attendez quelques jours. Scénario A. Soit vous abattez les élevages touchés, mais vous le faites dans les 24 heures, scénario B. Soit, non seulement vous abattez les élevages touchés, mais vous abattez également les élevages voisins et dans les 48 heures, scénario C. C'est ce qu'a choisi le gouvernement britannique et vous voyez à quel point les données observées ont cette fois-ci collé au modèle. Donc la modélisation peut aider les pouvoirs publics à prendre leurs décisions. Nous allons maintenant passer au deuxième grand versant de l'épidémiologie, qui est ce qu'on appelle l'épidémiologie analytique, l'étude des déterminants des maladies. Alors il s'agit ici d'une part de nos gènes, d'autre part, de nos comportements, les expositions environnementales auxquelles on peut être soumis, ce qu'on regroupe aujourd'hui sous le vocable d'exposome, l'ensemble des expositions non génétiques de la conception jusqu'à la fin de vie. Pour comprendre comment est née l'épidémiologie, il faut reprendre la transition épidémiologique dans les pays industrialisés au XXe siècle. Vous avez ici la mortalité par maladie infectieuse aux États-Unis au XXe siècle. Au début du XXe siècle, on mourait d'abord de maladies respiratoires. C'était la tuberculose, la grippe et les pneumonies, également la fièvre typhoïde, un petit peu moins les maladies infantiles. Vous voyez d'ailleurs le pic de la grippe espagnole en 1918-1919, on célèbre le 100e anniversaire aujourd'hui. Qu'est-ce qui a permis cette baisse de la mortalité par maladies infectieuses? C'était l'amélioration des conditions d'hygiène, ça a été l'accès à l'eau potable, les égouts, meilleure alimentation, tout ça consolidé par l'arrivée après des antibiotiques et puis des vaccins. Dans la première moitié du XXe siècle, l'espérance de vie aux États-Unis a monté de 23 ans. C'était sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Pendant ce temps-là, les maladies dites chroniques, notamment cancer et cardiovasculaire, restaient à peu près au même niveau. Et vous voyez qu'à la fin du XXe siècle, les principales causes de mortalité étaient devenues les maladies chroniques et non plus les maladies infectieuses. Alors que pour les maladies infectieuses, il était facile de trouver quelle était la cause. À chaque infection, son microbe, une bactérie, un virus, un parasite. Autant pour les maladies chroniques, cancer, maladies cardiovasculaires, les causes étaient plurifactorielles et il fallait de nouvelles méthodes pour appréhender les déterminants de ces maladies. C'est ainsi qu'est née l'épidémiologie moderne. Alors, premier dossier a été celui de l'association entre tabac et cancer du poumon. Vous avez ici, en Angleterre et au Pays de Galles, dans le début du XXe siècle, d'abord l'augmentation de la consommation tabagique et 20 ans plus tard, l'augmentation des cancers du poumon. Une des façons les plus simples de résoudre cette question aurait été de faire un essai randomisé. Vous tirez au sort deux groupes d'individus, vous demandez à un groupe de fumer un paquet de cigarettes par jour, à l'autre groupe de fumer un paquet de cigarettes sans tabac, et puis 20 ans plus tard, vous mesurez l'incidence des cancers dans les deux groupes. Vous comprenez comme moi que pour des raisons pratiques et éthiques, ce type d'étude n'est pas possible. L'épidémiologie a donc recours à des études observationnelles. La première de ces études observationnelles, ce sont les études cas témoins, qui ont été menées ici par Richard Doll et Austin Bradford Hill dans les hôpitaux de Londres en 1948. Ils ont recruté 709 patients atteints de cancer du poumon et, dans le même hôpital, 709 patients qui n'avaient pas de cancer, du même âge et du même sexe. Et ils les ont interrogés sur la consommation tabagique. Si le tabac était un facteur de risque du cancer du poumon, il serait plus élevé chez ceux qui avaient des cancers du poumon. C'est ce qu'ils ont observé. Vous avez ici la publication d'origine dans le British Medical Journal et vous voyez que la proportion de gros fumeurs est plus importante chez ceux qui ont des cancers du poumon. Ce que vous notez également, c'est qu'il y avait très peu de non-fumeurs chez les hommes. 4% seulement de la population témoin ne fumait pas. Chez les femmes, c'était 50%. Le deuxième grand chantier, ça a été les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Le détonateur, la mort de Franklin Roosevelt. En 1945, le président des États-Unis meurt d'un accident vasculaire cérébral alors qu'il avait eu pendant 10 ans une hypertension artérielle connue. À l'époque, on ne savait pas les traiter, mais à l'évidence, le peuple américain prenait conscience de l'importance des maladies cardiovasculaires. Ce décès a joué un rôle d'électrochoc parmi les pouvoirs publics. Harry Truman signe en 1948 le National Heart Act et octroie 500 000 dollars pour débuter une étude de cohorte qui était dédiée à l'étude des facteurs de risque cardiovasculaire dans la ville de Framingham, dans le Massachusetts. Alors, qu'est-ce que c'est une étude de cohorte? Vous prenez un groupe d'individus indemnes d'une maladie, ici 5 000 habitants de cette ville de Framingham, vous les suivez au cours du temps. Vous mesurez chez eux ce que vous pensez être des facteurs de risque cardiovasculaire potentiels, tension artérielle, diabète, etc. Et vous regardez qui développe la maladie à terme. La cohorte est partie de 5000 individus. Elle a été enrichie par les enfants des individus qui étaient inclus dans la cohorte. Et vous avez sur cette photo trois générations d'une même famille qui a participé à l'accord de Framingham. L'accord de Framingham nous a appris l'essentiel de ce qu'on sait aujourd'hui sur les facteurs de risque cardiovasculaire. Et ici, un des résultats connus issus de cette cohorte. Vous avez sur la gauche 5 facteurs de risque cardiovasculaire qui ont été identifiés, hypertension, tabagisme, diabète, obésité, hypercholestérolémie. Et ici, le risque de développer une maladie cardiovasculaire selon le nombre de facteurs de risque que vous aviez à l'âge de 50 ans jusqu'à l'âge de 95 ans. Pour les hommes, si vous n'aviez pas de facteur de risque cardiovasculaire, 5% vont développer une maladie cardiovasculaire. Si vous en avez un, vous grimpez à 36%, etc. Quand aujourd'hui vous allez chez le médecin et qu'il vous pose des questions sur tous ces facteurs de risque, et vous le voyez mentalement calculé, il est en train d'utiliser les scores qui ont été issus et améliorés depuis l'accord de Framingham pour décider si oui ou non il va traiter agressivement votre hypercholestérolémie. Donc c'est ça que nous a appris l'accord de Framingham. Je vais passer 5 minutes avec vous pour vous expliquer comment est-ce que nous, épidémiologistes, on fait l'estimation de ce qu'on appelle le risque relatif, l'augmentation du risque d'être malade quand vous êtes exposé par rapport au non-exposé. Par exemple, d'où nous vient l'idée qu'on puisse vous dire votre risque d'infarctus du myocarde est doublé si vous avez une hypertension artérielle. Vous avez ici schématiquement une étude de cohorte avec 4 sujets exposés, 12 sujets non exposés, 2 exposés développent la maladie, 2 non exposés développent la maladie. Ce que vous allez faire, c'est d'abord calculer le taux d'incidence chez les exposés. C'est 2 cas divisé par le personne temps de suivi. Donc là, vous avez des unités de suivi. Elles s'arrêtent. Quand vous développez la maladie, vous n'êtes plus à risque de développer la maladie. Vous divisez par 3,6. On fait la même chose chez les non-exposés. Et vous faites le ratio des deux, ce qu'on appelle le ratio des taux d'incidence. Il est égal à 3. Les exposés ont 3 fois plus de risque de développer la maladie que les non-exposés. Dans une étude cas témoins, vous allez vous placer dans un hôpital qui va recueillir les cas à partir d'une population qui correspond finalement à ce qu'on appelle le bassin de drainage de l'hôpital. Les gens qui, s'ils étaient malades, iraient dans cet hôpital. Dans ce cas, vous avez 2 exposés, 2 non-exposés. Vous allez sélectionner des témoins. Ces témoins, ils sont là pour vous donner une estimation avec le ratio exposé-non-exposé du personne-temps exposé-non-exposé de la cohorte qui a donné naissance à vos cas. Si votre sélection des témoins se fait sans biais, si la fraction d'échantillonnage du personne-temps exposé est la même que celle du personne-temps non-exposé, le produit en croix que vous voyez ici, qu'on appelle le ratio des cotes en français ou le odds ratio en anglais, vous donne une estimation non biaisée du ratio des taux d'incidence de la cohorte qui a donné naissance au cas. Donc vous voyez que cohorte comme étude cas témoin vous donne des estimations du risque relatif, l'augmentation du risque de développer la maladie chez les exposés par rapport aux non-exposés. Alors ce que je vous présente ici est un schéma simplifié. Sachez qu'on peut prendre en compte le fait, par exemple, que vous pouvez changer d'exposition au cours du temps. Vous fumez, vous arrêtez de fumer, vous vous remettez à fumer. On peut prendre aussi en compte le délai de latence entre l'exposition et le développement de la maladie, par exemple pour un cancer. Mais ce qui intéressait le plus les épidémiologistes, c'est que vous n'êtes pas exposé à simplement un facteur de risque. Vous êtes exposé simultanément à beaucoup de choses. Vous pouvez à la fois fumer, avoir du cholestérol, mais vous avez une alimentation équilibrée, vous faites de l'exercice. Comment est-ce qu'on va pouvoir finalement dégager l'effet indépendant de chacune de ces variables ? Il y a un biais qui nous intéresse particulièrement, qui est ce qu'on appelle le biais de confusion. Alors pour expliquer le biais de confusion, le plus simple, c'est de vous donner un exemple. Vous trouvez une association entre café et cancer du poumon. Cette association n'est pas due au fait que le café est un facteur de risque de cancer du poumon. Mais parmi les buveurs de café, vous avez plus de fumeurs. Parmi les fumeurs, vous avez plus de gens qui vont développer un cancer du poumon. C'est la surreprésentation des fumeurs chez les buveurs de café qui explique la fausse association entre café et cancer du poumon. C'est un biais de confusion. Les épidémiologistes se sont passionnés pour ça, pour le prévenir, pour le prendre en compte dans l'analyse. Ça a été l'objet de beaucoup de collaborations avec des biostatisticiens, les modèles linéaires généralisés, qui vont, par les analyses multivariées, nous permettre d'avoir l'effet indépendant de chacune des expositions qu'on étudie à la suite du modèle. Donc voilà, je vous embête plus avec la méthodologie, mais je pense qu'il était important que vous sachiez d'où viennent ces estimations que vous lirez dans la presse, telle exposition double ou triple vos risques de développer la maladie. Collège de France et France Culture vous présente la leçon inaugurale du professeur Arnaud Fontané intitulée « L'épidémiologie ou la science de l'estimation du risque en santé publique ». Alors, quelle est la contribution de l'épidémiologie à la causalité ? On a bénéficié en épidémiologie dès 1965, grâce à Austin Bradford Hill, le même que les études cas témoins, de critères de causalité. Ces critères ont été depuis très critiqués. Il y en a un qui est resté infaillible, c'est la temporalité. L'exposition doit précéder la maladie. Les autres, qui me paraissent importants et que j'ai mis en caractère gras, ce sont la force de l'association. Ce n'est pas la même chose que trouver un facteur de risque qui va tripler votre risque de développer une maladie et un autre qui l'augmenterait de 25%. Et c'est important d'un point de vue clinique, épidémiologique, de prendre en compte la force de l'association. C'est également un argument, mais ça n'est qu'un argument, en faveur de la causalité. L'autre critère important, c'est la reproductibilité. Vous pouvez avoir une équipe qui découvre quelque part une association entre une exposition et une maladie. C'est bien. Quand une autre équipe, à un endroit différent, retrouve la même association, c'est mieux. Et quand une troisième équipe, à un autre endroit, retrouve la même association, là, on commence vraiment à y croire. Le dernier critère qui me paraît le plus important, et sur lequel je vais passer un peu plus de temps, c'est celui de la plausibilité, et dans le cas qui nous intéresse, c'est la plausibilité biologique. Les épidémiologistes, très tôt, là on est en 1965, ont pris le parti de s'appuyer sur une autre discipline scientifique pour étayer une relation causale. C'est ce qu'on pourrait appeler le croisement des preuves, ou ce que Marcus Manufo et George Davis Smith décrivaient récemment dans un commentaire de la revue Nature comme la triangulation des approches. Alors pour vous illustrer ce point, je vais vous parler un petit peu de mes recherches. Il faut bien quand même que je les évoque au cours de cette leçon inaugurale. Vous vous souvenez tous de ces photos terribles d'enfants nés au Brésil avec des microcéphalies. Le 1er février 2016, l'OMS décrète une urgence de santé publique de portée internationale. Si vous lisez le texte, l'OMS demande à la communauté scientifique de réunir ses efforts pour prouver que le virus Zika est bien à l'origine de ces microcéphalies. Comme le rappelait Philippe tout à l'heure, j'étais à l'époque en train de travailler avec les collègues de Polynésie française sur les associations entre le virus Zika et des paralysies périphériques chez les adultes, les syndromes de Guillain-Barré. Et avec nos collègues de Polynésie française, on s'est demandé, est-ce qu'il n'y aurait pas eu des cas de microcéphalie au moment de l'épidémie de 2013-2014 qui seraient passés inaperçus? On est retourné dans les registres, dans le diagnostic prénatal d'anomalies congénitales, et on a retrouvé, sur une période qui encadre l'épidémie, comme vous pouvez le voir ici, 8 cas de microcéphalie. Vous avez ici la durée de la grossesse et la fin de la grossesse, qui peut être un accouchement normal ou par exemple ici une interruption de grossesse. Un des cas, vous le voyez, est complètement en dehors de la courbe épidémique, c'est le taux de base de microcéphalie. Il y a à peu près 2 enfants sur 10 000 naissances qui naissent avec une microcéphalie, c'est ce qu'on voit en Polynésie française, en Europe, aux États-Unis. Mais vous voyez aussi qu'il y a un regroupement de cas de microcéphalie au décours de l'épidémie de Zika. Avec l'aide de Simon Cauchemez, qui est modélisateur à l'Institut Pasteur, il a été possible de simuler des cohortes de 80 femmes qui tombent enceintes chaque semaine et de les exposer à un risque d'être infectées par le virus Zika proportionnel à la courbe épidémique que vous voyez ici. Et le modèle qui collait le mieux aux données observées est un modèle pour lequel la probabilité d'avoir une anomalie congénitale était la plus forte si l'infection avait lieu au premier trimestre de la grossesse. Et cette probabilité était de 1%, c'est-à-dire 50 fois le taux de base de microcéphalie qui est observé en Polynésie française. Dans le même temps, nos collègues biologistes, à la paillasse, s'évertuent à essayer de démontrer comment le virus Zika causait les microcéphalies. Les travaux les plus intéressants sont venus rapidement d'une équipe qui a montré que les cellules qui étaient les plus permissives pour l'infection par le virus Zika étaient les cellules progénitrices neurales par rapport à des neurones adultes. Et c'est important parce que ces cellules progénitrices neurales, ce sont elles qui, entre la 6e et la 10e semaine de la vie embryonnaire, vont donner naissance au cerveau. Et c'est donc elles qui étaient la cible privilégiée du virus. On pointait à nouveau vers le premier trimestre de la grossesse. Après, il y a eu foultitude de papiers, je ne vais pas vous les résumer. Je vous montre l'exemple de ce qu'on appelle les organoïdes. C'est des mini-cerveaux obtenus in vitro à partir de cellules souches pluripotentes. Quand vous les infectez avec le virus Zika, eh bien, vous avez une croissance qui est réduite. Et puis à droite, des modèles animaux avec des souriceaux nés de mère infectés par le virus Zika qui ont une épaisseur du cortex cérébral qui est plus faible que celle qui était utilisée ici comme témoin. Pendant ce temps-là, l'épidémie continuait et nous, on la suivait. Elle était passée du Brésil aux Antilles françaises. Et là, j'ai eu la chance de travailler avec Bruno Heun de l'INSERM qui, aux Antilles françaises, recrutait une cohorte de femmes enceintes qui étaient infectées par le virus Zika. Donc ces femmes se présentaient, elles étaient enceintes, elles avaient une fièvre et une éruption cutanée. Le diagnostic de Zika a été fait et après, on les suivait pendant la grossesse avec des échographies répétées pour documenter les anomalies neurologiques congénitales des enfants à naître. Malheureusement, il n'y a pas d'intervention possible. Il n'y a pas de traitement du virus Zika qui puisse être administré, y compris pendant la grossesse. Donc c'était une étude purement observationnelle. Et ce que l'on a pu donc observer dans cette étude, c'était toute une série d'anomalies neurologiques. On ne savait pas lesquelles étaient réellement attribuables au virus Zika. Alors, il y avait des formes sévères, c'est celles que vous voyez à droite, avec des calcifications sous-corticales, et puis des ventriculomégalies, c'est le syndrome congénital lié au virus Zika. Et puis, on a également mesuré des anomalies neurologiques qui nous paraissaient moins sévères, mais potentiellement importantes, pouvant être ou ne pas être associées au virus Zika. Et à la fin, on a pu dire que pour une femme infectée au premier trimestre, le risque d'anomalie neurologique congénitale était de 13%, 4% pour une infection au deuxième trimestre, 5% pour une infection au troisième trimestre. Mais on se posait la question, qu'est-ce qui se passerait en absence d'infection ? En épidémiologie, on a toujours un groupe comparatif. Donc avec Bruno, on a réfléchi à un test qui nous permettrait d'éliminer la survenue d'une infection par le virus Zika pendant la grossesse. Et ce test est une sérologie qui est faite à l'accouchement. Quand il a été disponible, on a pu isoler un groupe de 490 femmes pendant la période d'épidémie, dont on savait qu'elles n'avaient pas été infectées par le virus Zika. Et à notre surprise, on s'est rendu compte que pour ce qu'on appelle ici les formes limitées, on les retrouvait en même proportion chez des femmes qui n'avaient pas été infectées par le virus Zika. Dès lors, il nous a été possible, par soustraction, d'estimer ce qui est réellement attribuable au virus Zika, c'était les formes sévères, 4% pour des infections du premier trimestre, 1% au deuxième trimestre et rien au troisième trimestre. Ce qui est important dans cette histoire, c'est plus de vous montrer ces deux approches parallèles. Une approche mécanistique, faite en biologie, qui va identifier comment le virus Zika infecte et les mécanismes par lesquels il va provoquer la microcéphalie. En parallèle, une approche populationnelle, faite par les épidémiologistes, avec des modèles mathématiques, des suivis de cohortes, qui nous permettent de confirmer que ici, c'est le premier trimestre qui est la période la plus vulnérable, en accord avec les modèles biologiques, et de quantifier l'impact en population d'une infection par le virus Zika, ici le taux de microcéphalie chez les femmes infectées pendant la grossesse. Alors maintenant qu'on comprend un peu mieux les méthodes utilisées en épidémiologie, je vais revoir avec vous quelques grandes contributions de l'épidémiologie à la santé publique. On a parlé de la cohorte Framingham, il y a eu une très grande cohorte aux États-Unis, la cohorte des infirmières, qui a suivi plus de 240 000 femmes, dont certaines depuis 1976, et qui étudiait tout particulièrement l'impact de la contraception orale et de l'alimentation sur le risque de développer des cancers et des maladies cardiovasculaires. Il n'est pas possible de résumer les milliers de publications qui sont sorties de cette cohorte, mais je vais vous prendre un ensemble de recommandations publiées il y a quelques années qui permettraient de diminuer de moitié le risque de cancer chez les femmes. Ces recommandations, vous les connaissez en fait, et beaucoup d'entre vous les mettent déjà en pratique. Ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que ces recommandations étaient issues de ce type d'études épidémiologiques. Il y a peut-être une recommandation qui ne tiendrait pas la route aujourd'hui, c'est prendre des multivitamines quotidiennement, et on va y revenir. Autre contribution importante de la cohorte des infirmières, c'est que nos collègues américains ont eu l'idée de croiser les données de cette cohorte d'infirmières avec les données de mesure des particules fines effectuées à une échelle de 6 km² de 1999 à 2007 sur l'ensemble du territoire américain. Et en croisant les deux, ils ont pu estimer l'excès de mortalité. Vous avez ici la mortalité toute cause et ici les concentrations croissantes de particules 2.5. Et vous voyez bien que la mortalité toute cause augmente avec une concentration moyenne sur 12 mois de ces particules 2.5 dans un modèle qui est ajusté pour toutes les autres causes de mortalité qui sont très bien répertoriées dans cette cohorte des infirmières. Et ça, c'est un papier quand même fort sur l'effet de la pollution atmosphérique et le risque de mortalité. Alors, les études de cohorte, c'est très bien. Mais c'est très long, c'est très coûteux. Imaginez 240 000 femmes suivies pendant 40 ans, ce que ça représente. Les études cas témoins, elles ont un peu moins bonne presse parce qu'elles sont sujettes à des biais. Ce qui est très difficile dans l'étude cas témoins, c'est d'avoir une sélection de témoins qui soit bien représentative de la population source des cas et les mesures d'exposition quand elles sont anciennes. 10 ans ou 20 ans plus tôt, un questionnaire alimentaire, vous aurez beaucoup de mal à avoir une bonne information par rapport à une étude prospective où vous mesurez ça régulièrement au cours de l'étude. Mais quand même, les études cas témoins ont pu apporter des réponses importantes. Et je vous cite ici un papier sur tabagisme passif et cancer du poumon. On le doit à Dimitri Trikopoulos, qui était professeur à Harvard, comme son nom l'indique, il était grec, et il a tiré parti d'une situation particulière en Grèce de la fin des années 70, où, pour les femmes, il était mal vu de fumer en société ou même à la maison. Et dès lors, le tabagisme auquel elles étaient exposées, c'était celui de leur mari. Donc il a recruté, dans une étude cas témoin, des femmes avec cancer du poumon et des femmes sans cancer du poumon, et il a comparé le tabagisme du mari. Quand le mari fumait un paquet par jour, le risque de cancer du poumon était augmenté de 2,4 pour la femme. Quand c'était deux paquets par jour, le risque était augmenté de 3,4 pour la femme. Cette étude est particulièrement importante. C'était la première fois qu'on montrait que quand vous fumez, c'est dangereux, pas simplement pour vous, mais également pour votre entourage. Et c'était ce qui a permis toutes les lois interdisant le tabagisme dans les lieux publics. Et vous imaginez l'effet que ça a pu avoir sur le tabagisme en général. Alors après ce que j'appellerais la période des 30 glorieuses, 1960 et 1990, où les études épidémiologiques, ces grandes cohortes, identifiaient tour à tour tous les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires et des cancers, est venue la période de doute. Les premières flèches ont été tirées par Peter Skrabanek, qui est un professeur du Trinity College à Dublin, amusant, qui a inventé le terme « risk factorologiste » pour désigner les épidémiologistes. Alors, ce qui mettait en cause, c'était le croisement, sans modèle biologique sous-jacent, de toutes les données disponibles sur exposition et maladie qu'on avait dans toutes ces énormes bases de données constituées dans les cohortes, avec des associations peu plausibles, qui vont être immédiatement reprises par les journaux scientifiques si elles sont statistiquement significatives, et après par la presse grand public. Alors, je cite dans son article intitulé « The Poverty of Epidemiology », l'effet protecteur des tomates contre le cancer du col de l'utérus, l'augmentation du risque de fausse couche chez les femmes enceintes qui fument, mais seulement si elles ont des nausées. Alors, une analyse quantitative et argumentée de la risk factorologie va nous venir de l'article au titre provocateur de John Ioannidis dans PLOS Medicine, Why Most Published Research Findings Are False. Alors ça, c'est pas simplement l'épidémiologie, c'est toute la recherche biomédicale. Le problème sous-jacent, c'est celui des associations fortuites, qui sont dues à des fluctuations aléatoires d'échantillonnage, et qui sont révélées quand vous faites des centaines ou des milliers de tests en croisant toutes les données de vos bases de données. Donc depuis, on a pris ça en compte, on a des méthodes d'ajustement, on choisit mieux les variables que l'on va mettre dans les modèles, et je tiens à rassurer ceux d'entre vous qui donnaient de l'argent pour la recherche biomédicale, c'est complètement réglé, maintenant tout ce qu'on fait, c'est très utile et tout à fait valide. Alors, autre épine dans le pied de l'épidémiologie, ça a été la non-confirmation, par des essais randomisés, d'associations qui paraissaient très solides, répétées dans plusieurs grandes études de cohortes. Je vais prendre l'exemple du bêta-carotène et du risque cardiovasculaire. Bêta-carotène, vous le trouvez dans les fruits et légumes. Et sur plusieurs grosses études de cohortes que vous voyez ici, il a été trouvé de façon répétitive que les consommateurs de bêta-carotène, de fruits et légumes, qui avaient d'ailleurs des concentrations de bêta-carotène plus élevées dans le sang, étaient moins à risque de développer des maladies cardiovasculaires que les non-consommateurs. Mais le bêta-carotène, vous pouvez le donner en pilule. Et donc, il y en a qui ont eu l'idée de se dire, plutôt que manger des fruits et légumes, si je pouvais manger des pilules, pourquoi pas ? Et de faire des essais randomisés, pilules de bêta-carotène contre placebo. Et là, patatras, vous voyez tous les essais qui sont des résultats à droite de la ligne du milieu, augmentation de risque, voire peut-être même un effet délétère du bêta-carotène. Alors, ce qui est mis en cause ici, c'est le fait que les personnes qui mangent des fruits et légumes, ce sont ce qu'on appelle des health conscious. Ils sont soucieux de leur santé. Ils ne vont pas simplement manger des fruits et légumes, ils vont faire de l'exercice, ils ne vont pas fumer, ils vont surveiller leur tension artérielle, ils vont surveiller leur cholestérol. Et c'est l'ensemble de tous ces comportements qui, pris ensemble, va être à l'origine de la protection contre le risque cardiovasculaire. Alors, on a dit tout à l'heure, il y avait des modèles multivariés qui permettaient d'extraire l'effet indépendant, parce que ça, c'est des biais de confusion typiques. Malheureusement, ces modèles ne marchaient qu'incomplètement. C'est ce qu'on appelle de la confusion résiduelle. Et du coup, on se retrouve avec un effet protecteur qui, visiblement, n'était pas réel. Alors, il y a eu des progrès de méthodologie depuis. Je ne vais pas pouvoir les développer faute de temps. Il y a eu ce qu'on appelle la randomisation mendélienne, qui tire parti du fait que des variants génétiques peuvent reproduire des comportements. Et puis, il y a les graphes acycliques orientés. C'est un effort de visualisation des relations entre les variables qui vous permet de choisir de façon beaucoup plus pertinente les variables que vous mettrez dans votre modèle, mais j'en parlerai plus tard. Je vais aborder maintenant une question difficile, qui est celle de l'analyse des expositions environnementales. Alors, quelles sont-elles ? Ce sont les agents physiques, chimiques et biologiques qui sont présents dans l'air, dans l'eau, dans le sol, dans l'alimentation. Les exemples sont nombreux. Ce sont les particules fines, produits phytosanitaires, les métaux lourds, et représentent, comme vous le savez, des sujets de société importants. Le problème, d'abord, c'est qu'elles sont très difficiles à mesurer. Il est relativement facile d'estimer la consommation tabagique d'une personne en l'interrogeant sur les 20 dernières années, combien de paquets par jour vous avez arrêté, vous avez repris. Comment estimer l'exposition à un insecticide qui peut être présent dans l'air, dans l'eau, dans les sols, dans l'alimentation ? Ensuite, vous n'êtes pas exposé nécessairement qu'à un seul insecticide, mais à plusieurs insecticides simultanément. S'il y a un effet sanitaire, comment discerner celui qui est incriminé ? Il peut y avoir des effets de synergie entre eux. Il y a une latence de l'effet. Si vous regardez les perturbateurs endocriniens, c'est l'exposition in utero qui va être responsable d'effets à l'âge adulte. Il faudrait donc des études qui mesurent à la fois l'exposition in utero et la maladie à l'âge adulte. Et puis les effets qu'on attend ici, c'est des effets qui sont faibles. Il faudrait des cohortes de très grande taille et des mesures très précises pour arriver à les mettre en évidence. Ce n'est pas parce qu'ils sont faibles qu'ils ne sont pas importants, parce que beaucoup de personnes dans la population peuvent être exposées simultanément. Et là, on touche aux limites de l'épidémiologie. Alors, des études les plus probantes, c'est celles qui ont été menées en milieu professionnel, on en a déjà parlé, parce que dans le milieu professionnel, vous pouvez être surexposé à certains de ces produits. Mais pour ce qui est de la population générale, l'avenir est aux cohortes de grande taille, éventuellement qui démarreront in utero et qui iront jusqu'à l'âge adulte, avec des marqueurs biologiques, éventuellement des capteurs de pollution atmosphérique. Et des études certainement complexes. Dans l'état actuel des choses, en absence d'effets documentés chez l'homme, la réponse doit être politique. C'est le principe de précaution. face à des produits qui ont démontré une toxicité in vitro ou chez l'animal, mais pour lesquels un effet chez l'homme n'a pas pu être mis formellement en évidence. Dernière problématique récente de l'épidémiologie, c'est un tiraillement sur dans quelle direction l'épidémiologie devrait partir. Il y a eu, vers la fin des années 90, l'accès aux données du génome et la possibilité d'identifier les gènes qui seraient associés avec certaines maladies. Beaucoup de chercheurs y sont partis, et beaucoup d'argent aussi de la recherche y est parti. Dans le même temps, ceux qui travaillaient sur les facteurs de risque comportementaux disaient « Attendez, on n'en a pas fini avec alcool, tabac, alimentation et tout le reste, et puis ça, c'est modifiable. Les gènes, c'est quand même plus difficile. » Puis il y a ceux qui disaient « Les enjeux de l'environnement sont majeurs, la recherche devrait aller dans cette direction. » Et enfin, ceux qui disaient « Et quid des déterminants sociaux de la santé ? Il existe des inégalités très fortes en santé, elles sont très peu étudiées. » Je vous donne ici un graphe qui montre l'espérance de vie à 35 ans par sexe pour les cadres et ouvriers en France métropolitaine. Alors l'espérance de vie à 35 ans, c'est le nombre d'années de vie qui vous reste une fois que vous avez atteint l'âge de 35 ans. La bonne nouvelle, c'est que vous voyez, elle monte. Hein. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a des écarts de 3 ans entre les femmes cadres et les femmes ouvrières et de 6 ans entre les hommes cadres et les hommes ouvriers. Et on ne sait pas à quoi sont dus ces écarts d'espérance de vie. Est-ce que c'est des différences de comportement, tabac, alcool, etc. ? Est-ce que c'est des différences d'exposition environnementale, pollution atmosphérique ? Est-ce que c'est des différences d'accès aux soins, de qualité de soins ? L'épidémiologie n'est pas très à l'aise pour parler d'inégalités sociales et des moyens d'y remédier. Une source d'inspiration pourrait nous venir du modèle des boîtes chinoises. Alors comprenez les poupées russes, parce qu'en anglais on dit « Chinese box hein, » dans l'article de Mervyn Susser. Et vous avez la plus petite boîte, c'est le niveau moléculaire, génétique. Une boîte un peu plus large, ce sera l'individu, un peu plus large chez sa famille, un peu plus large chez son quartier. Et on peut ainsi intégrer dans des mêmes modélisations, avec des modèles dits multiniveaux, l'ensemble de ces composantes. L'autre approche est proposée par un anthropologue médical américain, Merritt Singer, dans les années 90, qui a inventé le terme de « syndemics » pour « synergistic epidemics ». Et là, il parle du regroupement de comorbidités, par exemple diabète, surpoids, dépression, chez les personnes les plus vulnérables, regroupement qui est entretenu par des facteurs socio-économiques défavorables. Je terminerai cette conférence avec quelques réflexions sur le futur de l'épidémiologie. Alors, comme beaucoup de disciplines scientifiques, le futur de l'épidémiologie va être profondément impacté par l'éruption des analyses big data, on dit en français mégadonnées ou données massives. Les big data, elles nous dépassent complètement par leur abondance, leur diversité, leur nature très différente. Ça peut être, on l'a déjà dit, les données du génome, ça peut être des données des dossiers médicaux électroniques, des réseaux sociaux, des objets connectés. Il va falloir recueillir ces données, qui sont de nature très différente, il va falloir les nettoyer, les valider, les transformer pour les rendre analysables, il va falloir les stocker et les partager dans un contexte réglementaire de plus en plus strict par rapport à la protection des droits des personnes. Il va falloir les analyser et également les visualiser. Vous avez ici sur la droite la comparaison du génome de l'homme, du chimpanzé, de la souris et du poisson zèbre. Un exemple de visualisation de Big Data. L'initiative la plus avancée dans ce domaine, c'est la UK Biobank. Elle regroupe plus de 500 000 individus qui ont été recrutés depuis 2006. Et pour ces 500 000 individus, on a les dossiers médicaux électroniques, les données du génome complet, et pour 100 000 d'entre eux, des données d'imagerie médicale. Les Américains ont deux grandes cohortes, la Million Veterans Study et la All of Us Research Program, 1 million d'individus dans chacune de ces cohortes. Où se situe la France dans cette compétition internationale ? Malheureusement, très loin, faute de moyens. Il y a eu la cohorte historique Gazelle, chez les employés de DFGDF. Il y a aujourd'hui des e-cohortes sur Internet, Nutrinet Santé pour alimentation et santé, Compare qui recrute des patients avec maladies chroniques. Il y a la cohorte Constance, qui a pour particularité d'être représentative de la population française. Puis il y a des cohortes pédiatriques, maladies infectieuses, j'en oublie certainement et je m'en excuse. Mais pour ces cohortes, on ne sait pas encore comment d'ailleurs va se faire le séquençage du génome complet. Est-ce qu'il va bénéficier des plateformes génomiques du plan Médecine France Génomique 2025 ? Mais vous voyez que par rapport à nos collègues américains et anglais, nous sommes encore très loin. Alors quels sont les résultats de ces études de cohortes ? Quand on s'intéresse à l'effet notamment des prédispositions génétiques, hein, des gènes par rapport aux maladies, les débuts ont été décevants. Les résultats de la cohorte UK Biobank, les effets qu'on observait étaient très faibles. Plusieurs gènes étaient impliqués. Et ces variants génétiques qui pouvaient être modifiés par des facteurs épigénétiques. Une étude intéressante a été publiée en août 2018 dans Nature Genetics qui rapportait ce qu'on appelle des scores polygéniques. C'est des regroupements de variants génétiques qui, pris tous ensemble, vont prédire votre risque de maladie. Et là, on parle de maladies communes, maladies coronariennes, fibrillation auriculaire, diabète de type 2, maladies inflammatoires de l'intestin et cancer du sein. Vous voyez que ces regroupements de scores, ils sont présents dans une fraction non négligeable de la population, ça va de 1,5 à 8%. Et l'augmentation de risque qui y est associée, elle n'est pas négligeable. C'est 3 ou plus. Donc là, quand même, on voit des choses arriver. Et d'ailleurs, les auteurs du papier disent, bientôt, on pourra tous faire notre score polygénique et voir notre risque de diabète et, le cas échéant, adopter un programme de dépistage et prévention. C'est un élargissement du concept de la médecine de précision qui, jusqu'à présent, était associé au traitement individualisé, par exemple, sur votre tumeur, à la prévention. C'est d'ailleurs déjà disponible aujourd'hui. Vous avez ici la page du site 23andMe, une compagnie californienne, qui vous propose pour moins de $200 et un prélèvement de salive, d'abord de savoir d'où viennent vos ancêtres, Europe de l'Est ou je ne sais où, et également, si vous cliquez sur Genetic Health Risk, ici, votre prédiction pour un certain nombre de maladies, dont d'ailleurs la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Et là, je ne vous cache pas que je suis perplexe. Proposer un dépistage de maladie de Parkinson et de maladie d'Alzheimer alors qu'il n'existe pas aujourd'hui de moyens de prévention efficaces établis va être extrêmement anxiogène. En plus, on ne sait pas si, même pour des maladies pour lesquelles des changements de comportement sont possibles, les gens sont prêts à changer de comportement sur la base d'une prédisposition génétique. Il y a eu 18 essais randomisés où on a tiré au sort les participants en leur proposant un test génétique éventuellement suivi de changement de comportement s'ils étaient prédisposés versus la prise en charge classique par leur médecin. Sur ces 18 essais randomisés, aucune différence entre les deux groupes. Et puis, on quitte un modèle où les messages de prévention se voulaient universels, adressés à la collectivité, avec un effet d'entraînement, à un modèle individualiste, coûteux, probablement moins efficace. Je vous conseille la lecture de l'article de Geoffrey Rose, « Sick Individuals, Sick Populations », sur ce sujet qui, il y a déjà 30 ans, mettait en garde contre la prévention individuelle. Je suis convaincu à titre personnel qu'une meilleure connaissance des déterminants génétiques des maladies est fondamentale pour les études mécanistiques qui permettront, selon la fonction des gènes concernés, d'identifier des cibles pour vaccins et traitements. On pourra aussi envisager, pour certaines maladies, des applications de la thérapie génique. Je suis en revanche dubitatif sur l'utilisation du dépistage génétique à des fins de prévention pour des maladies communes. Rappelez-vous que pour déterminer comment effectuer le dépistage de certains cancers, notamment le cancer du sein, il a fallu des études de centaines de milliers de femmes suivies des dizaines d'années avant de choisir l'âge auquel le dépistage doit être fait et comment le dépistage doit être fait. C'est des domaines extrêmement complexes. Qu'en est-il des méthodes d'analyse ? Alors, quand on parle de big data ou de mégadonnées, l'intelligence artificielle n'est pas loin. On sait déjà que l'intelligence artificielle excelle dans des domaines où il y a un nombre fini de solutions, des règles, des jeux de données d'apprentissage. C'est le diagnostic médical, par exemple, du mélanome cutané ou de la rétinopathie diabétique. Dans le domaine de l'identification des gènes associés aux maladies, ce qu'on a vu juste avant, pour l'instant, c'est les méthodes statistiques classiques qui font le job. L'intelligence artificielle ne les a pas encore supplantées. Dans le domaine de la prédiction, là, l'intelligence artificielle est de plus en plus performante. Je vous donne un exemple tiré d'un papier de PLOS Medicine de novembre 2018. S'il s'agit de prédire la mortalité intra-hospitalière pour 40 000 individus qui ont été réanimés après un arrêt cardiaque, sur la base des données cliniques et biologiques des 24 premières heures d'hospitalisation, là, les méthodes d'apprentissage automatique font mieux que les méthodes statistiques classiques. C'est d'ailleurs ces mêmes approches qui sont utilisées sur votre smartphone pour vous faire des propositions d'achat pour la semaine prochaine. On oppose à ces méthodes d'apprentissage automatique le fait qu'elles fonctionnent comme des boîtes noires, qu'on ne connaît pas les variables explicatives, dans l'exemple que j'ai donné, quelles étaient les variables associées à la mortalité, et que leurs résultats ne sont pas reproductibles. Il est vraisemblable à terme que l'intelligence artificielle va supplanter les méthodes statistiques classiques, y compris dans la capacité à fournir les variables explicatives. Il est un domaine cependant où l'intelligence artificielle est encore prise en défaut, c'est celui de la distinction entre prédiction et inférence causale. De façon très triviale, la prise d'insuline prédit très bien le diabète, mais à l'évidence, elle n'est pas causale. Et l'étape d'inférence causale est importante parce que c'est elle seule qui permet d'identifier les caractéristiques qui, si elles étaient modifiées, permettraient d'améliorer le pronostic. Dans l'état actuel de notre savoir, seule la connaissance a priori des relations entre les variables est celle qui permet de faire la distinction entre prédiction et inférence causale. C'est là où ces fameux graphes acycliques orientés font très bien l'affaire et là où, malheureusement, aujourd'hui, l'apprentissage automatique est pris en défaut. Alors, quelques mots pour terminer ce panorama sur la santé publique de précision. La santé publique de précision, c'est à la santé publique, ce que la médecine de précision est à la médecine. Dans les deux cas, ce sont les big data. Mais pour la santé publique de précision, l'échelle d'analyse, c'est la population, tandis que pour la médecine de précision, l'échelle d'analyse, c'est l'individu. Il s'agit donc d'agréger des données massives, qu'elles soient médicales, administratives, environnementales ou provenant des réseaux sociaux, à une échelle populationnelle très fine et de cibler des interventions sur des populations beaucoup mieux définies. Dans le domaine des maladies infectieuses, c'est l'utilisation d'appareils portables pour séquencer le génome des virus, couplé à des systèmes de transmission permettant, même à partir de zones reculées, le partage des données et l'analyse en temps réel des chaînes de transmission. Mais avant d'utiliser tout ça, rappelons-nous bien que ces épidémies, elles ont lieu dans des pays au système de santé extrêmement fragile, Guinée, Sierra Leone, Libéria. Avant de pouvoir utiliser ces outils sophistiqués, la priorité est bien avant à remettre en place des systèmes de santé qui fonctionnent, des capacités de surveillance, des capacités de réponse locale, et seulement alors, effectivement, ce genre d'outils pourrait apporter une réaction plus rapide vis-à-vis des épidémies. Il est temps de conclure. L'histoire de la santé publique a été faite d'actions de prévention collective, menées dans un souci de toucher le plus grand nombre, et notamment les plus défavorisés, permettant des gains d'espérance de vie sans précédent au XXe siècle. Le modèle va inévitablement évoluer avec l'identification plus complète des gènes associés aux maladies et la mesure de l'impact de notre environnement sur la santé, domaines sur lesquels l'épidémiologie avait jusqu'à présent buté. Il me paraît fondamental de préparer nos sociétés dès maintenant à l'intégration de ce nouveau savoir dans nos pratiques. Le temps viendra où une femme enceinte pourra connaître dès les premières semaines de grossesse, sur une simple prise de sang, les prédispositions génétiques de son enfant à naître pour un nombre incalculable de maladies. Sinon, un simple prélèvement de salive après la naissance donnera les mêmes informations. Sommes-nous prêts, de façon à nous assurer que ce savoir sera utilisé pour le meilleur, par exemple des actions de prévention ou de thérapie génique ciblées pour des pathologies les plus graves, et non le pire, qui pourrait dans ce contexte se rapprocher de l'eugénisme. Pour les expositions environnementales, nous serons mieux quantifiés leurs effets délétères. La vraie question deviendra l'appréciation de la balance bénéfice-risque, car l'idée de l'absence de risque relève de l'utopie. Il s'agira ensuite de conjuguer nos efforts pour préserver de concert le progrès technologique, la santé de l'homme et celle de la planète. Je vous remercie. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter la leçon inaugurale d'Arnaud Fontanet, l'épidémiologie ou la science de l'estimation du risque en santé publique. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos, les citations et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Arnaud Fontanet. Je vous recommande également la vidéo complète de ce cours et les éclairants documents qui l'accompagnent. La leçon inaugurale d'Arnaud Fontanet va être publiée chez Fayard prochainement. Réalisation, Laure-Hélène Planchet. Présentation et coordination, Meryl Moniguetti. Belle journée à l'écoute de France Culture.